Bonjour, direct le samedi 10 septembre. Il n'y a pas grand-chose à dire ce matin. On a assisté, il y a un nouveau roi. Je me doutais bien que ce serait Charles III, mais il aurait pu prendre le nom de, je sais pas, Georges VII. Pourquoi pas, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, Québec, vous savez, la monarchie, on s'en fout pas mal. Je sais qu'il y a encore des monarchistes. En France. Ben oui, il reste. Comment il s'appelle? Louis de Bourbon. Mais je l'ai déjà vu en entrevue. Puis bon, Louis de Bourbon, c'est pas très volubile. Hein? Il n'y a pas un charisme à tout casser non plus, là. J'ai jamais été monarchiste personnellement, mais bon. Mais vous savez, au Québec, il y avait ce qu'on pourrait appeler une sorte de gallicanisme à la québécoise. Hey, bon matin, l'oiseau moqueur. J'espère que tu m'en veux pas trop là, pour ce que j'ai dit sur les tatouages. Bonjour Carole, bonjour Mimi. Je suis le premier. Bonjour, OK. Veuillez quoi? Veuillez quoi? Ben Nero, avez-vous vu là? Il y a des toutes sortes d'affaires. Oups, puis maintenant, moi. Avez-vous vu là? Il y a une candidate là, qui veut être députée pour le Parti québécois, puis elle joue dans des films pornographiques. Un, en tout cas. Non, le quatrième. Bonjour, Martin. Bon, ça va avec le temps. Autre temps, autre mœurs. Puis, il y a une sorte de normalisation de certaines choses. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'est pas trop pour la juger. Personnellement, moi, je lui reproche de vouloir être député. Là. Plus que, bon. Bonjour, Martin. Jacinthe. L'oiseau. Non, je regrette les tatouages. Ouais, moi aussi, j'en ai. Mais bon, j'avais 15 ans, là. Bonjour, Karine. J'avais 15 ans, puis c'est ça. J'étais pas mal stupide. Dans le sens que, pas dans le sens que les gens qui font ça sont stupides, mais j'avais pas tout à fait la même perception que maintenant. Puis j'ai été un jeune comme d'autres, hein? Puis oui, j'en ai fait en masse des conneries. Les gens seraient surpris de savoir comment j'étais là à 15-16 ans. J'étais pas sérieux du tout, puis je me foutais du monde entier. Vraiment, là. Mais j'avais eu une éducation un petit peu, disons que bon, il y a des moments de révolte hein, à un moment donné, puis bon, c'est des choses comme qui arrivent. Mais c'est pas grave. De toute façon, là, ceux qui sont réceptifs à une certaine instruction, des fois, je me demande si je fais bien. Parce que une fois que ça commence, ça, tout devient insipide. On trouve la musique insipide, on trouve le cinéma insipide, on trouve la littérature insipide. Tout devient insipide, puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui d'intéressant à part ce qu'on appelle entre guillemets de la conscience, là, puis à part ça, tout devient mauvais. J'étais pas un cadeau non plus, je m'en doute bien. C'est des fortes personnalités souvent qui. Bonjour Isia, merci beaucoup pour les transcriptions. Des fois, je me dis qu'il faudrait que je contribue financièrement. Puis c'est pareil pour Supramental Bertold, là, des fois, je me dis c'est du travail de moine, là, c'est vrai. Puis, des fois, je me sens un petit peu. J'ai l'impression qu'il faudrait que je monte une certaine reconnaissance. J'ai eu certaines choses à payer dernièrement, là. Mais l'entrepôt, là, je le paye toujours d'un coup pour l'année. Puis, des choses comme ça, à un moment donné, bon. Mais, j'ai investi dans le gaz. Peut-être que je vais avoir des gains cet hiver. Ben oui, je l'avais vu venir, hein? Le gaz, ce qui arrive là, avec la Russie. On s'en doutait, j'avais agi en conséquence. Puis, c'est pas des. J'espère que vous allez me pardonner là, d'être un petit peu opportuniste des fois, mais je me suis retenu d'investir dans Halliburton. Vous savez, là, la compagnie qui fabrique de l'armement, là. Mais j'ai pas touché à ça. Je suis pas encore cynique à ce point-là. C'est un plaisir. Je n'attends pas de remerciements. Il va des fois, oui. Ouais, des fois, c'est vrai que c'est lourd un petit peu. Le dernier entretien avec David, là, c'était un petit peu. Ben, franchement, je ne me souviens pas de tout. Puis je l'ai réécouté. Je l'ai réécouté, puis je ne me souviens pas de tout. Puis je me souviens. C'est drôle, j'essaie de me souvenir, puis j'y arrive pas. J'y arrive pas. De quoi, donc? C'est incroyable. Mais ça aussi, là, les espèces de troubles de mémoire. Mais c'est pas vraiment des troubles de mémoire, c'est que on a moins de contrôle sur notre mémoire. Donc, des fois, j'arrive pour dire quelque chose, puis c'est pas le temps. Puis on dirait que quelque chose décide de faire en sorte que je m'en souvienne plus. Pourtant, je me souviens de choses insignifiantes, là, comme là, ils cherchent des poux là, à Duhem. Qui paye pas ses. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Là. Il est supposé voir à ses affaires. Dans le fond, là, je commence à le voir comme une fausse dissidence, lui. Puis il commence à servir à. Ouais. Bon, en tout cas. Même dans tes conférences anciennes, il y a du très bon. Ah. Oui, ben, des fois, j'en réécoute, puis je suis surpris. J'ai répondu aux questions de David. Ah oui, il aime ça, faire des petits exercices comme ça. Mais je n'ai même pas pris connaissance de. Je ne sais pas lui s'il avait mis des réponses d'avance. En tout cas. Mais bon. Mais j'arrive, j'arrête pas de penser à Éric Duhaime qui est montré comme une alternative. Là. Puis là, ça fait de la chicanerie. Il y a Pitre là, qui est pas mal insulté parce que l'attaché de presse de Duhaime ne veut pas que les candidats fassent des entrevues avec son studio à lui. Puis bon, j'ai l'impression que c'est vraiment des diversions au fond. Puis on essaie de nous montrer ça comme l'alternative. Puis c'est pas une alternative. Puis en tout cas, le père de ma mère avait été organisateur pour dans mon coin pour l'Union nationale. Puis à un moment donné, il est parti chez les créditistes. Puis là, tout d'un coup, il y avait des pneus qui brûlaient devant sa maison. Les pros du M sont bien, bien achalants, moi. Ben, c'est les mêmes mécaniques que certaines formes de religion, un petit peu. Dans le sens que ça vient jouer avec la sensibilité, mais je parle au sens de l'émotivité. C'est bien émotif, hein, la politique, surtout au Québec, puis c'est peut-être pour ça aussi qu'on est tellement naïf. Donc, oui, bon, ben, le mieux, c'est de pas s'en mêler, qui s'arrange, je veux dire, on verra bien. Ils ne veulent pas passer pour des comploristes, des complotistes. Ben oui. Puis là, vous avez André Pitt là, qui dit théoriste du complot. Il est fort sur les anglicismes, lui, ce serait théoricien, dans le fond. Il dit vidéo, c'est ni masculin ni féminin, parce que en latin, c'est un verbe. Ben oui, mais tu mets pas un pronom masculin ou féminin devant un verbe, de toute façon, là. C'est quoi, là? Bon, moi, tout, je connais un petit peu le latin, puis c'est pas par des écoles. Mais il risque, bon. En tout cas, moi, des complotistes, hein, des compotistes, c'est de la compote, hein? Dans le fond. Ben oui, je le sais bien, mais il reste que c'est sa base électorale. Faut pas être ingrat avec sa base électorale. Voyons, au contraire, il devrait les courtiser de plus en plus, les complotistes. C'est au moins de 30 à 40 % maintenant de la population, si on prend au sens large la définition de ça. Donc, ils se tirent dans le pied, là. Ben, bon, c'est comme un peu d'aller courtiser le vote anglais. Bon, il risque de s'estirer dans le pied aussi. Mais j'ai l'impression qu'il est là pour ça. Il est là pour se tirer dans le pied. Fait que bon, c'est correct. Mais là, l'affaire, là, qu'il ne paye pas ses taxes sur des immeubles, puis c'est des niaiseries, ça. Qu'est-ce que ça fait dans le journal? Mais ça nous fait une petite vacance de Charles III, dont on a. Ouais. Ma voisine est du type Grano avec un énorme jardin et elle a une belle pancarte de Québec solidaire. Et j'ai été invité à une réunion parce que j'ai fait partie des choses culturelles. Puis là, Québec solidaire, dans mon coin, ils veulent exposer leur plateforme culturelle. Puis j'ai été invité. Puis je me disais, je pourrais y aller par humour, là, juste aller voir ça. Là. Bon. Dans le fond, c'est le Parti communiste, là. Le monde n'allume pas là-dessus. Vous avez juste à aller sur Google Images, là, puis vous devez, si vous regardez là, Amir Kadir avec les jeunes, là, avec des drapeaux soviétiques, puis toute la patente. Ça fait partie des réseaux néo-trotskistes des universités, prédominé Gabriel Nadeau-Dubois, là, qui est passé de des syndicats étudiants directs à un parti politique. Puis c'est typique, ça. Donc, du monde que, bon, la vraie vie, on repassera, hein. Selon moi, Éric Duhaime est la meilleure option pour freiner la crise sanitaire. C'est le seul parti qui parle du libre choix, mais concernant le plan le total du parti, je comprends l'imperfection, moi. C'est parce que moi, je le vois bien différemment, parce que je l'ai écouté un bout de temps à la radio. Et je considère pas que, bon, on verra. Je veux dire, mettez-le là, emmenez-le au pouvoir, puis on verra. Moi, je pense qu'il va se plier devant l'establishment. Puis, bon, je veux dire, il y a des attitudes hein, comme ça, un petit peu, là. Donc, on verra. Moi, je n'ai pas vraiment d'opinion. Hier, j'ai été forcé d'en bloquer un, chose que je n'ai pas fait habituellement. L'attention monte sur Facebook. Bon, ben franchement, Facebook, bon. Mais oui, c'est un petit peu, bon. La politique, c'est ça. Dans le sens que. Mais c'est pas mal le son là à dire la tension monte puis tout, mais c'est bien moins violent que dans le temps de mon grand-père. Comme je vous dis, là, il y avait un moment donné un feu de pneus devant sa maison parce qu'il était rendu pour les créditistes. Puis les créditistes, bon, ça vient de l'ouest du pays, puis c'est spécial, là. C'était spécial. Le gars qui a fondé ça, comment il s'appelait? Rebel Heart. Rebel Heart, je pense, ça a failli finir en un culte néo-protestant anglicano-bizarre. QS, on a été chercher un de mes amis. Ah oh, oui, je suis bien déçu. Ah oh, oui, Québec solidaire. Ben, moi, je voulais voir, c'est des communistes, je ne veux pas ça autrement. Bon, on va être gentil, on dit du socialiste. Bonjour Anaïs. Mimi. Ben oui, ma belle, tu n'aurais plus ta maison ni ton jardin. Oh. Ouais, ben c'est ça. Coalition avec la CAQ et les libéraux. En vrai, la CAQ, il est. Ben, moi, j'ai toujours vu la CAQ comme. Bon. Puis, Madame Anglade a été cofondatrice de la CAQ. Moi, ce qui me dépasse, on parle jamais de Monsieur Sirois. Où êtes-vous, Monsieur Sirois? Monsieur Sirois? Hein? C'est. Bon. En tout cas, il y a des éminences grises. Vous savez, dans le temps du cardinal de Richelieu, il y en avait un autre qui était un autre membre de la hiérarchie de l'Église. Puis lui, il était habillé en gris. C'était lui, l'éminence grise. Ce que je pensais intérieurement en voyant ça chez ma voisine, mon précédent commentaire, moi. Ben oui, les gens travaillent, vous savez, quand vous voulez. Vous voulez enterrer quelqu'un, mieux pour économiser de l'énergie, vous lui faites creuser sa propre tombe. Puis il y en a qui travaillent à leur perte, puis ils ne savent pas. Mais c'est pas grave. De toute façon, on travaille tout un peu à notre perte, étant donné que on avance vers de la perte. Donc, bon, ben, c'est comme moi avec tout ce que j'ai dit depuis des années, là. En tout cas, dépendamment de comment ça retourne, je pourrais avoir des problèmes. Mais bon, je m'en fous. Franchement, ça fait dur. Pour qui voter, ben c'est ça. De toute façon, moi, le parlementarisme britannique, là. D'ailleurs, le roi Charles, là, heureusement que c'est pas moi qui est roi, parce que c'est bonne valeur, mais moi, ça serait une période de transition où je commencerais à abolir la monarchie, là, puis de proclamer une république. Dans le fond, on irait vers ça. Mais là, bon, eux autres, ils veulent garder leur Christie de patente. Avez-vous vu l'architecture anglaise? Puis là, en plus, ils tripent sur l'architecture. Mais Chris, c'est les châteaux les plus laids d'Europe. C'est les châteaux les plus laids d'Europe. Faut ramener Mario Dumont et Saint-OK. Ben, vous trouvez qu'il n'y a pas de c'est là, qui fait pas assez de politique de même. On vient à une époque où les médias couchent dans le même lit que la politique, là. Puis bon. C'est un peu comme, comment ils appellent ça aux États-Unis? Opération Mockingbird. Bon, mon déshumidificateur, encore. Aucun parti parle des vrais enjeux comme l'identité d'un. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est de l'hypocrisie, dans le fond. Avez-vous vu ce qu'ils ont fait en Israël? pour les statistiques par rapport au dérèglement menstruel. Ils ont fait l'étude, puis pour minimiser le pourcentage de dérèglements menstruels puis de problèmes de fertilité, ils ont compté les hommes. Ils ont compté les hommes dans les statistiques. Donc, il n'y a pas tant de dérèglements menstruels que ça, puisque les hommes en ont pas. Ça se peut-tu? Colin, oui. Les mesures sanitaires, ils sont tous dans le sens de. Et voilà. Ben oui, c'est des putains. Dans le sens que, bon, regardez pour les PQ, là, on apprend qu'il y a une des candidates qui a joué dans des films pornographiques. Personnellement, je trouve que ça va de soi. C'est pas surprenant. Elle va faire une bonne députée, pardon. Oui, puis Charles, il trippe solide sur les globes. Ben oui. Ça vient d'où tout ça? Les modélisations de l'université Oxford, puis moi j'ai tout le temps vu l'Angleterre, hein, en arrière d'un petit peu tout ça, là. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas embarqué dans l'Europe et l'euro, puis ben oui, mais quand vous êtes maître d'œuvre d'un chantier, vous n'allez pas vous mettre les mains dans le béton, là. Vous êtes là à commander de loin, avec un casque blanc. Puis c'est comme ça. Bon, l'oiseau moqueur, ben oui, ça montre les valeurs actuelles. C'est ces valeurs-là, dans le fond, de plus en plus. Puis des esclaves, ben ça va toujours. Souvenez, là, Jefferson, il a fait plein de petits mulâtres avec ses esclaves. Aux USA, c'est fou aussi, complètement. Oh, ça a tout le temps été fou, eux autres. Justement, je suis en visite dans le Vieux-Québec. Ah oui. C'est un des plus beaux coins d'Amérique, tant qu'à moi, là. Puis je suis pas allé bien, bien loin. Mais de toute façon, il y a quelqu'un à un moment donné, il voulait que j'aille à New York. Il dit, oh, tu vas aimer ça, la vibration de New York. J'ai dit, je la sens assez d'ici, là. J'ai pas envie d'aller. À chaque fois que j'ai visité un endroit, ça confirmait ce que je pensais, puis c'était exactement comme je pensais. Donc, j'ai fini que, bon, j'ai pas envie d'aller. Voyez-vous, à New York, ça me tente pas pantoute. Hein. La politique au Québec s'est rendue comme Star Academy, mais avec des coachs un peu plus timbrés. Ouais. Ben, moi, les affaires de mode de télé-réalité, là, qu'il faut voter, puis tout, je vois de l'ingénierie sociale là-dedans, de la psychologie de masse aussi. Puis qui a embarqué de plein pied là-dedans, puis c'est pour quelle clientèle, dans le fond? Ben, c'est pour les baby boomers un peu, hein. C'est eux autres qui écoutaient ça au Star Academy, puis là, on a un paquet de jeunes qui sont pris pour chanter un répertoire qu'ils n'aiment pas, probablement. Pourquoi? Pour essayer de se lancer, puis après, ils sont pris avec un contrat avec Québécois. Puis est-ce que ça vaut la peine? C'est incroyable. Ben oui, les hommes sont des femmes maintenant. J'avais oublié, ils ont aussi leur cycle menstruel, moi. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, elle est bonne celle-là. Mais c'est tout le temps, bonjour Novak. C'est tout le temps, Monsieur Djokovic qui est ici. Non, sûrement pas le même. Mais ouais, mais c'est de jouer avec les statistiques, puis ils sont prêts à. C'est de l'absurde, c'est de l'absurde. Télé-réalité égale, on ne veut pas voir le gagnant, on veut voir tout le monde perdre, c'est ça. Ben, ça procède par élimination. C'est ça là, que je trouve. Vous savez, là, en franc-maçonnerie, il y a ce qu'on appelle. Vous savez, ils votent avec. Il y a des petites boules noires puis des petites boules blanches. On procède par élimination. C'est ça ce qu'ils appelaient être blackboulé, là, je ne sais pas trop. C'est cette culture-là qui mène toute. C'est pour ça qu'il y a des maillets dans les tribunaux. C'est pour ça que le parlementarisme britannique est comme il est. C'est ça. Puis, c'est quoi le but, l'ultime but? Pourquoi une symbolique tellement liée à la construction? Ben, le but, c'est de construire le troisième temple, qui est la finalité d'un plan. Puis, c'est lié à une rejudaïsation du christianisme, notamment en Angleterre. Puis, bon, fait que finalement, mais je ne sais pas comment ils vont finir par. Il y a une mosquée à Al-Aqsa. Est-ce comment ils vont faire? Mais ça se peut que les Russes viennent défaire ça, peut-être. On ne sait pas. Puis après, ils pourront rebâtir leur. Ouais. Intéressé à ton regard sur la situation qui permet de prendre de la hauteur sur le climat qui règne en France, notamment. Oui, j'ai vu que aujourd'hui, il y a une manifestation à Paris contre la vie chère. Dans le fond, c'est comme s'attaquer aux symptômes, ça. Il faudrait manifester contre la source, contre la maladie. La maladie, c'est au palais de l'Élysée. Hein? Ça, c'est la vie chère, c'est juste des symptômes. Puis, si les Français, ça devient pas un petit peu plus sérieux, vous allez vous retrouver en guerre contre. Bon, c'est ça, là, moi, qui me. Novak, intéressant. Ben, ouais, oui. C'est là, on s'en va. De toute façon, c'est tellement voulu, cette guerre-là. Ça fait partie d'un plan. Donc, ils suivent le scénario. Là, on nous fait beaucoup peur avec le nucléaire, mais je suis pas sûr qu'il va être utilisé tant que ça. Ils ont des nouvelles bébelles. Puis là, il y en a qui vont être contents, comme M. Sabourin, parce que ça va régler de la surpopulation. Hein? C'est pas drôle d'être rendu à penser de même. Vraiment, là, moi, ça, je trouve ça inquiétant. Vraiment, ça me choque. Ça me choque vraiment parce que, bon, je suis peut-être vieux jeu, mais pour moi, l'être humain a droit à la vie. C'est un droit inaliénable. Puis pourtant, on est géré comme réellement comme du bétail. Puis on le sait que c'est une question de gestion par des gens qui détournent l'énergie en haut lieu, là, entre guillemets, en haut lieu, puis qu'il n'y a pas de surpopulation, dans le fond. On pourrait gérer ça puis nourrir jusqu'à 20 milliards de personnes sur cette planète-là si on réussissait à avoir moins de pourriture au sommet. Puis il n'y a aucune raison pourquoi qu'on considère qu'il y a de la population sauf un trouble de gestion puis que c'est voulu comme ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, ben, il va falloir choisir entre être ami de l'humain, être humain, ça revient au même, ou. Aller vers bonjour, Sixcar. Bon matin. Moi, ben c'est ça. C'est un matin un petit peu. Là, ici, ils ont encore barré le centre-ville, là. Ils veulent. Je pense qu'ils ont une patente devant le trottoir, je ne sais pas trop. On dirait que c'est Ferrandez qui est maire de la ville. Ici, ils sont tout le temps en train de barrer les rues. Ils n'aiment pas les autos, ces gens-là. Donc, mais je repense, là, l'invitation que j'ai eue pour aller voir la candidate de Québec solidaire là, pour leur plateforme culturelle, peut-être ce serait comique. Je vais aller voir mon ex, je vais dire, fais-toi un chignon, là. On va aller faire des mondanités. On va aller rire un peu. Est-ce que la fille Christine de Bernard de Montréal est en relation d'une autre manière avec la psychologie évolutionnaire? Dans les premières années, après le décès de Bernard, elle était très active, elle et son avocat, pour protéger les droits. Puis on dirait que Bernard a laissé un testament qui fait qu'il protégeait les droits jusqu'à une certaine époque, jusqu'à une certaine année, puis après, il laissait faire. Puis Bernard, vers les derniers temps de sa vie, il disait à un moment donné, je vais être sur les internets. Là, l'affaire, c'est que je pense qu'elle est peut-être un peu tannée de ce milieu-là, puis c'est compréhensible. Je sais que c'est très difficile, mais je pense que c'est encore elle qui tenait le site de son père. Mais non, elle est très, très discrète, puis c'est correct. Parce que ça a déjà dû être assez lourd comme ça. Je veux dire, avoir Bernard de Montréal comme père, ça n'a pas dû être facile tout le temps. Puis aussi, étant donné qu'il y avait une relation particulière avec le public, puis qu'il a toujours voulu continuer jusqu'à un certain point, mais ben franchement, je pense qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Peut-être qu'il y a eu bon, des petites tensions par rapport à ce milieu-là. Donc, elle a fait sa vie, elle a fait ses affaires, puis c'est pas de nos affaires. Mais non, j'ai jamais entendu parler qu'elle intervenait à part les derniers temps où elle continuait avec son avocat à essayer de protéger les droits de l'offre de son père. Puis à partir d'une certaine année, ça a cessé totalement. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu un testament qui était fait où Bernard demandait à ses héritiers qu'après une certaine année, que ça soit libre de droit dans le fond, ou de ne pas contrecarrer la diffusion. Puis ce qui est en accord avec bon, la façon dont il a tout le temps agi jusqu'à un certain point. Donc non, on n'en entend pas parler de Christine. Pas du tout. C'est pareil, son ex-femme, là, la mère de Christine, Pierrette. Puis, mais je sais que David Lévesque s'est entretenu avec une des anciennes conjointes de Bernard, mais je ne sais pas laquelle des deux, je ne me souviens plus. Puis, elle disait qu'après le décès de Bernard, sa propre vibration, la personne dont je parle, je ne sais pas c'est quelle des deux, sa propre vibration avait baissé. Ça veut dire que ça venait vraiment de Bernard. Donc, bon, les Français ont manifesté avec tout leur cœur chaque samedi pendant un an. Ont perdu des yeux et ça n'a rien changé. Les médias sont d'une arrogance barbare. Quel monde de fous. Ben oui, mais qui mène dans le fond en France? C'est qui le président de la République? C'est Jacques Attali. C'est Jacques Attali, le président de la République. De la même façon que c'est un peu la même affaire que Kissinger aux États-Unis. Donc, c'est sûr que, bon, puis c'est de la... Puis si vous regardez de la façon dont... la CIA, au niveau de pays occupés, que moi je considère comme occupés, ils agissent avec les médias. Martin Tifo, Elisabeth, ça se peut. À part Pierrette, l'autre, je connais pas son nom. Puis, d'une certaine façon, la vie privée de Bernard, c'est pas vraiment intéressant. C'est intéressant d'une certaine façon, mais bon, je n'ai jamais poussé la recherche jusque-là. Je m'en suis assez fait parler de Bernard de Montréal quand j'étais jeune. Là. À un moment donné, BDM disait que sa fille, c'était quelque chose, mais qu'à partir de ses 12 ans, elle avait déjà fait son éducation. Il la guidait quand elle avait besoin de conseils de son père. Ben, comme toutes les pères, j'imagine. C'est bon. Au fond, ça fait pas bien de différence. Là. Bonjour Noé. C'est votre prénom, Noé? C'est assez rare hein, qu'on voit ça, ben, de nos jours en tout cas. Mais oui, ben, c'est certain. Je veux dire, quand on a des enfants, ben, ça change tout. Hein. Oui, ah ben oui. Bon, ben, quand ça va être vers la fin, là, c'est un nom prédestiné. C'est spécial ça, l'histoire de Noé. On sait que c'est récupéré possiblement d'autres chose, mais il reste qu'il dit que moi, ce qui me surprend dans cette histoire-là, c'est à quel point, parce que ça parle d'une fin de cycle, à quel point il n'y avait plus personne qui avait des bonnes pensées. Dans le sens que les gens étaient vraiment rendus, on dit, méchants. Méchants au sens ancien du terme, là, ce qu'on appelait des méchants. Les vedettes québécoises font de l'angoisse, il paraît. Et ça, c'est, je m'en excuse, mais je trouve ça un peu drôle. Ben oui, mais en connaissez-vous, vous, des prostituées qui sont pas déprimées, qui ont pas des angoisses, qui ont pas des idées noires de temps en temps, qui sont, bon, c'est sûr, quand on se salit, que c'est pas le fun, on se sent pas bien. Hein? Louis Poulin, bonjour. Donc, ben oui, les vedettes québécoises font de l'angoisse. Ben oui, mais il y avait rien qu'à faire des... dans le fond, là, on est là, je le savais pas. Ben oui, tu le savais. Il y a du monde, là. Je voulais pas faire la promotion de ces affaires-là. Dans le milieu, il y avait de la pression. Puis voilà, tu le savais. Puis il va falloir que tu assumes. Il va falloir que tu assumes. À un moment donné, Mark Ward, il avait fait une vidéo sur Internet où il jasait avec je sais pas trop qui. Puis il allait dans le sens de l'agenda. Mais il avait mis comme un easter egg à côté de lui, il y avait le roman 1984 de George Orwell, comme s'il disait, dans le fond, c'est comme s'il voulait dire d'une façon détournée, dans le fond, là, je le sais que, ben non, ça marche pas, on s'en fout, je veux dire, t'as marché, puis t'as servi ces maîtres-là, ben, il va falloir que tu l'assumes plus tard. C'est bien dommage, mais à un moment donné, il faut assumer les choix qu'on fait. Puis tous les gens là, qui sont dans le milieu artistique, puis que pour des raisons de carrière, puis pour des raisons de ci, puis de ça, puis d'intérêt personnel, puis d'arrivisme, qui ont servi certains agendas qui allaient contre la population, il va falloir l'assumer. Parce que le monde a la mémoire plus longue qu'il pense. Moi, en tout cas, j'oublierai jamais ça. Il n'y en a pas question. Des fois, j'ai des petits troubles de mémoire, mais pas pour des affaires de même, parce que c'est lié à mon ego et à ma personnalité. Puis, bon, je peux pas oublier ça, là. En France, il n'y a plus de Noé depuis la série Plus belle la vie et l'écologie. Ah, je sais pas. En plein ça, les vedettes sans commentaire, ouais. Puis, des vedettes, là, on peut appeler ça des vedettes, là. Le trois quarts de ce qu'on appelle des artistes, tant qu'à moi, c'est des hosties de crétins. Puis je dis pas ça méchamment, je le pense vraiment. Puis ça fait dur en maudit. Puis bon, ceux qui sont dans les syndicats d'artistes, là, puis tout, puis qui ont on dirait que c'est les plus tatas. En tout cas, il va y avoir une pénurie de garde du corps. Le père de Mark Ward était maître d'une loge. Ah oui, bon, ben, coudonc. Ben, ça va avec le petit côté anglo-saxon. Bonjour Carole. Hey, c'est la première fois que j'attrape un live. Bon, ben, vous avez fait pour d'habitude le samedi matin, là. J'aimerais savoir ton opinion au niveau cosmique concernant ceux qui se conscientisaient à l'époque de BDM et ceux qui se conscientisent maintenant. Les répercussions cosmiques du passage de BDM sur Terre. Ça devient délicat, ça, parce que c'est rendu loin, là, les répercussions cosmiques. Souvent, on voit ça à l'envers, là. C'est plus nous autres qui se font répercuter le cosmique en plein dedans que nous autres qui répercutent le. Hein? Fait que dans le fond, mais je vois une grosse différence avec ceux qui se conscientisent maintenant, dans le sens que ils sont un petit peu plus secs. Ils sont un petit. Dans le sens, c'est rassis, là, comme un biscuit sec. Dans le sens que. Mais il y a plus d'attaques. Il y a plus d'attaques maintenant, dans le sens que je trouve qu'il y a plus de pollution dans ces milieux-là que dans le temps, on dirait. Quoique dans le temps, moi, j'étais un enfant, je me tenais loin de tout ça, là. Parce que, bon, il y avait assez de la mère de mon père qui était complètement. Elle, c'était Bernard, elle l'appelait Barnard, puis Barnard, c'était pas drôle. Elle parlait rien de ça. Ben, même quand ma mère est enceinte. J'ai dû avoir des vibrations de Barnard parce que la belle-mère était accrochée. Fait que, bon, je savais pas que ça allait avoir une répercussion comme ça plus tard, là. Ben, elle me le faisait écouter, puis je voulais rien savoir. J'aimais pas son accent très montréalais, là. J'avais de la misère avec sa voix. Puis par après, bon, ben, c'était peut-être trop fort, là. Je parle la vibration dans le fond. J'étais bien, bien sensible étant jeune. Y a-t-il un lien à faire avec la diminution de l'émotivité et l'augmentation d'identité ou de présence? Ça dépend de quelle identité on parle. Puis, y a-t-il un lien à faire avec la diminution de l'émotivité? Ben oui, mais ça n'est pas supposé diminuer la sensibilité. La diminution de l'émotivité, c'est pas supposé ben, faire baisser la sensibilité. C'est pas pareil, là. Mais genre, il va y avoir une séparation. Dans le sens que vous serez plus barouetté avec vos émotions, mais vous ne serez pas nécessairement plus émotif, là. Vous n'allez pas devenir comme des machines. Mais vous allez être capable à un moment donné, comme si c'était un commutateur, là, une switch, de fermer ça quand ce n'est pas le temps. Dans le sens que quand vos émotions, vous savez que ça va vous nuire, vous allez avoir plus de, durant le guillemets, de contrôle, même en parenthèse, là. Mais bon, c'est pas toujours facile, là, moi-même. Jess, bonjour. Steve, bonjour. Mimi, Kiri, Frédéric, Étienne, j'ai le contact, mais un intellect pas très intéressant. Autant donner de la confiture au cochon. Ben non, mais l'intellect, de toute façon, c'est en général, c'est pas si intéressant. Puis de toute façon, ceux qui parlent, là, la parole, ceux qui exercent la parole, c'est ceux qui ont. Il faut que l'intellect soit mis de côté. Puis même, bon, à un moment donné, on perd de la sophistication un petit peu, puis c'est correct. De toute façon, c'est incroyable, hein? J'avais beaucoup, beaucoup lu de philosophie. J'avais beaucoup lu puis j'ai tout perdu. Au niveau de ma mémoire, là, je lisais Kant, puis les idéalistes allemands en général, puis j'avais lu, ben, il y a Nietzsche, j'ai jamais été capable. Mais, tu sais, les aphorismes, là. Puis j'ai tout perdu. Je me souviens de rien. Je me souviens de rien. Ben, je me souviens de petites affaires, le vocabulaire m'est resté, mais à part ça, là. Et puis même là, j'en ai reperdu. C'est bien correct de même. Je me suis lavé les cheveux, puis bon, j'ai l'air d'avoir une toupette, j'ai l'air d'un. En tout cas, je m'excuse d'avoir l'air de ça. Il va falloir que j'aille chez le barbier. Effectivement, la sensibilité est toujours là. Ben oui, c'est ça, c'est censé quand même. Même s'affiner. Hier, là, il y a quelqu'un ici qui écoutait un match de tennis, puis juste le son de la foule, ça m'indispose. La vibration de la foule, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai l'impression que c'est un cirque romain. Ça fait là, comme dans le temps qu'il y avait des courses de chars, ces choses-là. Ça a vraiment cette vibration-là, puis c'est vraiment ça aussi. Puis ça m'indispose. J'aime pas ça. Vraiment, je suis pas capable, là. En plus, ça joue tard. Ça joue bien trop tard. Je pourrais commencer le matin, puis j'aurai la paix avant d'aller me coucher. Mais bon. Oui, la sensibilité, mais ce sera pas émotif. Ça m'arrivait plus jeune, certains textes, certaines chansons, ça engendrait chez moi de l'émotivité, maintenant plus du tout. Pourtant, j'ai la sensibilité là, qui s'est affinée. Il y a des choses que je suis plus capable d'endurer. Puis, ben, j'avais fait couper la télévision en 2005, là, mais là, bon, avec quelqu'un, je vais pas lui forcer à couper la télévision, mais vraiment, là, je suis trop sensible. C'est insipide. Vraiment, là, puis j'ai de la misère. J'ai entendu dire par une personne consciente, entre guillemets, qu'après le passage de BDM sur Terre, l'évolution de la conscience n'est plus comme avant, que tu n'avais pas besoin de souffrir autant dans l'initiation. C'est parce qu'il y a un contexte, hein, qui s'en va vers certains événements. C'est certain qu'il y en a, ils vont souffrir moins. Puis c'est correct, mais oui, on n'est plus censé souffrir pour rien, en tout cas. Puis, bonjour Claudine, Marc, Marie, bonjour. Ben oui, mais l'initiation, bon, dans le sens que, bon, c'est plus au sens où on voulait dire avant, là, non plus. C'est de brûler de la naïveté, puis quand on est moins naïf, on souffre moins, déjà. Donc, bon, hyper sensible, mais là, hyper sensible, c'est comme, c'est pas souhaitable, là. Tu as dit une fois de surveiller la situation en France et en Espagne. Aurais-tu quelque chose à dire sur l'Espagne? Ben, tous les pays qui ont un passé catholique, comme bon, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Ça ne me surprendrait pas qu'au Portugal, il réapparaisse des affaires. Parce que, bon, c'est lié à l'âme du monde. Puis ça sert à hein, des formes collectives. Mais oui, c'est parce qu'il y a une lutte à finir. Hein. Puis dans le fond, qui est aux commandes? C'est surtout des judéo-protestants, je n'en dirai pas plus, mais il y a des vieilles affaires qui perdurent. Puis bon, suite du message précédent, qu'aujourd'hui l'énergie n'avait plus besoin de passer par la tête, mais par le ventre. Hein? Plus précisément, la rate. Bon, ça, non. Moi, j'embarque pas là-dedans. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, là, ceux qui disent ça, là. Mais j'ai bien de la misère avec ça, là. Puis je vois pas où, ce qu'on peut faire avec ça. De toute façon, l'énergie, elle va passer par où? À passe, on n'a pas à faire on n'a pas à faire une étude trop physiologique. Ça va passer par où ça passe. Puis là, ça, c'est les centres liés à l'animalien, les instincts. Les os, on peut dire, dans le sens du liquide, là. Puis le deuxième cerveau, au fond, c'est le foie. Donc, ça dépend, là. Je sais pas ce qu'ils veulent dire, là, mais je trouve ça spécial. En tout cas, en lien avec la barbarie, justement, hier, j'ai vu une vidéo d'un match de foot en Angleterre et les gens chantaient Lydie. In the box, is in the box, en référence à la reine. Ah, c'est spécial. Même moi, je trouve ça déplacé. Ben bon, je trouve ça drôle aussi. Fait que, en tout cas, moi, ben c'est un petit peu déplacé, là. En tout cas, se désensibiliser dans un monde pollué et bruyant, voire douloureux, serait-ce parfois salutaire selon la situation? Oui. C'est pour ça que je parle de la switch, là, le commutateur. Bonjour, Christine. Donc, moi, il faut mettre un E à la fin, là. Sinon, je vais être confondu avec un paquet d'autres affaires qui n'ont pas rapport. Non, moi, que j'avais choisi Berthold comme nom pour comme pseudonyme pour participer à un des forums et un blog à un moment donné, il y a longtemps. C'est par après que j'ai su, au niveau des anciens bretons, la vraie signification de ce prénom-là. Puis, bon, comme pour la pureté dans un monde toxique. Ouais. Ben oui, quelqu'un de trop pur est en danger dans un monde toxique, dans le sens qu'il n'y a pas de résistance. Il y a la résistance à la conscience, dont certains parlent, qui est liée au psychologique, mais il y a la résistance à la pollution. Que ça, c'est comme un petit peu, si vous émettez un champ magnétique, puis ça va empêcher certaines choses de venir parasiter. Donc, de la résistance, ça peut être bon. Ça peut être correct. Mais là, on vit une époque, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de pollution. Il n'y en a jamais eu autant. Puis, si on regarde, c'est lié à la technologie beaucoup. Puis, juste les jeunes, là, et ceux qui ont des téléphones sont tout le temps là-dessus. Même les gens plus âgés, là, il y a beaucoup de vieilles dames, là, qui sont accros à leur téléphone intelligent. Il y en a de la pollution qui passe par là, puis ça agit inconsciemment, on s'en rend pas compte. On pourrait parler un petit peu de subliminal, qu'il y a des effets subliminaux, ça peut avoir des effets sur la vibration. Puis les gens s'en rendent pas compte. C'est un peu comme quelqu'un qui tombe dans la drogue, il s'en rend pas compte, sinon il se laisserait pas faire. C'est la même chose pour toutes les restes. Donc, bon, c'est comme, je vais être porté à prendre de temps en temps des substances toxiques, mais ce n'est pas des substances qui ont des effets sur le psychisme, c'est des substances qui ont des effets sur l'organisme, parce que, bon, c'est pour des raisons là, qui me sont de bonne heure sur le piton, oui, mais ben, d'habitude, le samedi, là, je fais un petit live d'une heure le samedi matin. Donc, c'est un peu comme ça revient remplacer les petits bonhommes dans le temps, les petits bonhommes dans le temps. Puis bon, fait que ça fait un petit bonhomme, mais bon. Mais oui, en tout cas, j'ai du travail, je dois vous quitter. Ah, vous travaillez le samedi? Bon, ben, bonne journée, Carole. Bonjour, au sujet du sommeil, peut-on dormir tout en ne dormant pas? En étant en train de parler, agir, recevoir de l'info, sans avoir l'impression que c'est un rêve. Ben oui, c'est des phénomènes, ça, qui arrivent avec de la conscientisation. Vous allez pouvoir dormir, puis être conscient de tout ce qui se passe autour. Mais là, c'est des états, c'est pas tout le temps comme ça. Mais moi, ça m'arrivait. Il y avait une ville où j'étais un petit peu nerveux parce que je vivais dans un bloc où il y avait beaucoup de. Je vivais dans un immeuble où il y avait énormément de criminalité. Puis je dormais comme ça. Puis j'avais connaissance de quand quelqu'un passait dans le couloir, j'en avais connaissance. Puis même des fois, quand quelqu'un s'arrêtait devant ma porte, là, je me réveillais. Puis j'étais toujours prêt à les répondre là, si on cognait à ma porte. C'est ton petit bonhomme de contact de la télévision à la télépathie passagère. Moi, ben, il y a une dizaine d'années, souvent, j'avais une conjointe qui, le samedi, elle dormait tout l'avant-midi. Donc, j'allais sur Internet. Puis, bon. Puis, il y avait quelque chose un petit peu qui me rappelait mon enfance, quand j'étais seul le samedi matin, puis j'écoutais la télévision. Que penses-tu de la perception du temps qui a changé? Je pensais que c'était à cause d'Internet, mais après plusieurs discussions avec les gens, il semblerait que le temps passe vraiment plus vite. Ben oui. De toute façon, en vieillissant, ça fait ça. Mais là, en ce moment, oui, ça va plus vite. Puis, même j'ai remarqué, j'ai des appareils électroniques qui prennent de l'arrière, alors qu'ils ne devraient pas, là, au niveau de l'heure, là. Puis oui, ben oui, j'ai l'impression qu'il a envie des. Bon, c'est une fin de cycle, hein, puis c'est comme une spirale qui va un peu comme quand l'eau du bain coule. C'est vers la fin, ça va plus vite. Donc, bon, on s'en va vers. Mais c'est une bonne chose que ça passe plus vite. Moi, je trouve que ça va être bien moins long. Dans le sens que j'ai pas leur maudite patente, là, 2030, là. J'ai pas envie de passer 7 ans à trouver ça long. J'ai un voisin en haut, chaque fois qu'il me voit, comment ça va? Tu trouves pas le temps long? Non. Non, je m'ennuie jamais. Lui, il s'ennuie. Parce qu'il se pose rien par en dedans, fait que c'est plate. Dans ce temps-là, c'était où? Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord, assez hard, les gangs de rue, les Italiens, voire. Ben, il y a une vieille dame, je connaissais à Montréal-Nord, j'allais des fois la voir l'été, puis bon, les blocs, là, avec la ruelle entre les deux gros blocs, là, puis les espèces de patentes en bois des entrées sur les côtés, là, ça sentait tout le temps à la pisse, puis j'aimais vraiment pas la vibration de la place. Moi, j'ai grandi où? C'était où? J'hésite des fois à dire je suis où. Si tu moi ou même si on écoute des audios de Supramental ou explique l'instruction BDM, peu importe ce qu'on essaye de faire consciemment, c'est la crise de double qui va décider quand il vient, voilà. Ben oui, c'est ça que c'est pas l'ego qui le contrôle sur ça. Puis même, il y a des enregistrements, c'est même pas pour nous autres, c'est pour d'autres choses qui à travers nous autres. Puis que c'est fait pour eux autres, dans le sens de l'instruction pour une partie de nous qui n'est pas psychologique. Puis on n'a pas le contrôle sur certains phénomènes. On ne l'aura jamais au niveau de l'ego à certaines affaires. Mais pourtant, ça a des effets. Ça a un effet. Puis ça débloque des choses. Notamment là, dans l'âme, mais bon. Il y a des. En tout cas, ça a un effet. Moi, ça, je ne peux pas le nier. La première fois que j'ai vraiment voulu écouter Bernard, que je voulais montrer là, à une de mes conjointes, c'était qui ce bonhomme-là, puis que c'était le premier mystère cosmique, la vidéo. Puis là, Bernard, il disait, l'homme ne peut pas percevoir le réel, étant donné que lui-même n'est pas réel. Si l'être humain était réel, il y aurait des réponses. Il n'y aurait pas de questions, il y aurait des réponses. Puis là, ça a créé une claque sur la gueule. Ben franchement, là, parce que la vibration était tellement forte, puis j'étais tellement pas habitué, je m'étais tellement protégé de ça pendant des années, que là, j'ai dit, j'ai jamais entendu personne parler de moi. Puis là, je me suis rendu compte. J'ai dit, OK, peut-être pas si fou que ça, là. En tout cas. Hey, l'oiseau moqueur, bon matin. Salut, Fergus. Y a-t-il donc un rapport entre le décès de la reine et la date du. Ben, je pense qu'elle est pas. J'ai de la misère à croire qu'elle est morte à cette date-là, là. Mais moi, entre autres, là, c'était le jour de la femme de ménage. J'ai trouvé ce bois. C'est OK, ils font du ménage. Je sais que c'est de l'intégration, mais même à ça, on peut crever quand même si nous avons un semblant de conscience. Ben oui. Mais ça. Il y en a bien dans le supramental. Il y a une année, là, il y en a 5-6 qui sont morts. Puis je demandais juste qu'est-ce qui se passe. Puis ça me disait ça. Ils ont fait du ménage. J'ai du roulement de personnel. Je dis, vous êtes donc ben chien. Puis ça, oui, on est chien. Ben oui, dis-je. Mais là, je prends jamais ça au sérieux. Dans le sens que, bon, ça prend des formes de même. Ça parle d'une certaine façon. Puis même là, c'est pas comme si j'entendais des voix. Là, c'est des pensées comme si c'était moi qui me parlais. Puis, ouais. Mais là, l'affaire de la conscientisation, l'immortalisation de la conscience, ce ne sera pas la conscience de l'ego. Mais l'ego peut trouver ça intéressant d'observer, rendu que je trouve ça très intéressant, l'observation, de voir comment ça se trame à la limite. C'est moi. Ouais. Ben oui, ben, faut que l'ego ait un peu de fun. De toute façon, il y a juste lui qui peut en avoir. En haut, ça n'a pas de fun, ça. Justement, les bonhommes, le matin, je suis chez une amie qui a un appart charmant. Je me croirais dans le décor de Félix et Ciboulette. J'ai connecté avec mon enfance en arrivant. Hey, moi, ce que j'aimais pas de Ciboulette, c'est sa voix. Maudit qu'elle était fatigante. Mais bon, je l'écoutais pas bien, bien, là. J'écoutais pas bien, bien ça. Enfin, je trouvais pas trop sur. Bon. Mais moi, ce que je trouvais, ce que je me souviens de Ciboulette, c'était que je la trouvais insupportable. Elle était vraiment fatigante. Il y avait un petit chien, tout, il me semble. Noiro. Mais bon, aujourd'hui, ils ont tous été euthanasiés. Ouais, mais le monsieur, je pense qu'il est. Non, non, il est encore vivant, lui. Je pense bien qu'il est encore vivant. J'entends parler de ce commutateur, le trouver fait partie du chemin individuel ou y a-t-il des conseils généraux? Mais à un moment donné, ça va se faire parce que ça devient qu'on ne peut pas faire autrement. Je le vois vraiment comme ça parce que je l'ai vécu comme ça. Puis bon. La pleine lune était rouge hier, assez intense il y a 2 jours, beaucoup d'énergie. Je me sentais comme un amas de particules sans densité. Ah oui. Ben, vous savez, il y a ce qu'on appelle les lunes de sang, là, qui sont des phénomènes. Bon, en tout cas, en ce moment, il y a des choses par rapport aux lunaires qui sont des configurations et presque exactement les mêmes que juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'ai pas d'intérêt là, pour l'astronomie puis l'astrologie. Ben, je vous dis ça comme ça. Parce qu'il y en a qui ont fait l'étude de ça. Puis en ce moment, il y a une configuration qui rappelle énormément là, ce qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les années là, 38, 39. Fascinant. Ouais. Là, fascinant. Vivre dans une vie sachant que libre arbitre est une illusion, la vie devient vraiment intéressante mais sans saveur. Ben, c'est pas les taoïstes qui disent, que la vraie saveur, c'est le pas de saveur, là. Ils se mettaient des coiffes avec des rangs de perles en avant de la face pour pas voir. Parce qu'ils disaient, c'est par en dedans qu'il faut regarder. Mais il reste que moi, hein. Mais dans le fond, le libre arbitre, c'est parce que s'il y a une entrée dans une vraie créativité, c'est bien mieux que le libre arbitre. On ne veut plus retourner dans le libre arbitre. On ne veut plus. La lune hier dans le vieux Québec, cela m'impressionnait. C'est impressionnant. Les levées de pleine lune de septembre, octobre et novembre sont toujours les plus impressionnantes. Oui, ben. C'est un temps de l'année qui est très lunaire. Qui est très lunaire, on s'en va vers. On s'en va vers la Toussaint, là. Puis la lumière solaire diminue, puis la lumière lunaire, jusqu'à un certain point, augmente. Mais là, je parle au niveau magnétique, là, au niveau. Puis bon, la Lune, c'est un petit peu ça, là, les forces astrales, dans le sens, c'est des forces lunaires. Puis vous remarquerez certains agissements au niveau politique, puis au niveau financier. Ils vont suivre des phases de la Lune. Ils regardent ça, hein, si la Lune est croissante ou décroissante. Peu importe que les gens dans le public y croient à ça ou pas, il y a des gens en haute finance, en politique, qui suivent ça, là. Puis ils vont agir selon la Lune. Puis bon, c'est sûr, c'est des vieux cultes. Vous savez, là, la E4, DSC4. Pour les Chinois, c'est une Madame Lapin. Le lièvre, qui est un symbole de fertilité, mais lunaire aussi. Puis la Lune, elle a un effet. Qu'on le veuille ou pas, là. Mais ça dépend sur qui, là. Moi, la Lune, je la regarde plus bien, bien. J'ai toujours un calendrier avec les phases de la Lune, mais je ne le regarde pas. Mais je sais qu'au niveau de la finance, ils prennent ça au sérieux. Donc, des fois, je regarde ça là, avant de faire un move, dans le sens que je le sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, qu'on fasse de la spéculation boursière, là, ils trouvent ça pas éthique puis immoral. Mais ça fait partie de essayer de manipuler ce qui nous manipule. Puis, à un moment donné, bon, on n'est pas pour se laisser tendre la laine sur le dos puis crever de même, là. Si on a la possibilité d'en reprendre un peu de la laine, comme l'autre, là, la dièse Guy, ça aurait fallu qu'elle garde un peu de laine, hein. Il va faire frette bientôt. La plus grosse claque sur la gueule que j'ai eue dans ma vie quand j'ai pris le temps d'écouter un audio de BDM, puis le choc a été cette phrase: tant que tu te penses que tu penses, t'es dans la merde, c'est vrai. Ben, c'est la subjectivité psychologique. Mais d'un autre côté, faut avoir été dans la merde pour en sortir. J'ai jamais vu du monde qui était sorti de la merde sans être dedans, là. Ou du monde que ça, il serait parfait, là, de même, là. En arrivant, ça peut pas, là. C'est important d'avoir vécu de la misère. C'est important d'avoir eu du trouble dans sa vie. Vous allez être bien mieux armé que quelqu'un qui en a jamais eu. Puis, ah, ça me rappelle que j'ai parlé de ça avec David. Fait que c'était un, là, en gros, c'était ça. Mais, ben, franchement, là, quelqu'un qui a jamais eu de misère, là, il va être bien plus dans la merde que quelqu'un qui en a eu. Puis, c'est ça. Regardez là, tous les jeunes à Hollywood là, qui sont dans la musique, puis tous là, qui sont rendus avec des tatouages jusque dans la face, puis qui ont des punaises dans la face, puis ils sont dans la drogue, puis ils crèvent jeunes, puis ben oui, mais dans le fond, d'une certaine façon, la marde qu'ils ont eue, c'était pas la bonne. Ils ont eu la mauvaise marde, celle qui ressemble à de la ouate. À Wall Street, ils trippent sur les anges. Jovanovic en a parlé souvent, qu'on y croit ou non, et il y croit, ben oui, que. Prenez, si on regarde l'espèce de guerre polarisée entre les initiés de la connaissance, dans le fond, ils sont le reflet d'une guerre dans le ciel, là, entre guillemets, puis les anges sont reconnus pour se battre entre eux autres. Hein? Puis c'est quoi l'enjeu de ça? Ben, c'est nous autres. Donc, les anges, si vous voulez. Mais là, regardez Lucifer, le porteur de lumière, c'est un séraphin, ça. C'était. À un moment donné, il y a eu une chute, puis là, bon, il y avait Saint-Michel Archange, mais d'une certaine façon, ce serait lui, à cette heure, le porteur de lumière. Donc, c'est des concepts. C'est un petit peu trop figé dans la forme, là, mais en arrière, il y a des forces derrière ça. J'ai connu une dame, elle expliquait comment pétitionner des anges. Puis, croyez-le ou pas, ça déclenche des événements à faire ça. Faut connaître certains types d'alphabet qui sont peu usités de nos jours. Puis, il faut faire ça à des heures précises. Puis, il y a des bons. Puis, elle, mais malgré ça, c'est dangereux, ça. Je le déconseille. Je déconseille de faire ça. Parce que, bon. Bonjour Clémentine. En sachant ce qui s'en vient, je me demandais respectueusement comment vous faites pour être à la bourse. Je suis personnellement partagé. Ben, il s'agit de s'en aller quand c'est le temps. Puis on peut toujours transformer ce qui est fait en concret qui va servir. C'est juste une question de timing. Il y a une petite remontée là en ce moment. Mais je le sais qu'à un moment donné, ça va tomber. Mais la dernière fois qu'il y a eu un mini crash, j'ai eu de la crainte. J'ai vendu tout ce que j'avais. J'aurais pas dû. Aujourd'hui, ça irait bien mieux. Y a-t-il un moment où on retrouve de la saveur? C'est plus tranquille, mais bien plate. Comme vous dites, ben, moi, je trouve pas ça plate. Ben, franchement, là, quand toutes les saveurs, ça devient synonyme d'insipide, on finit qu'on s'habitue. On s'habitue, on trouve d'autres choses. On se trouve d'autres choses de loisirs. Puis moi, je m'étais mis à faire claquer des fouets. Aller dehors pour faire claquer des fouets. Mais là, j'ai eu de la misère à me trouver des places que je ne dérangerais pas tout le monde. Ça sonne aussi fort qu'un coup de fusil. Puis c'était rendu que j'étais allé à une place qui a des rapides. Puis je me disais, l'eau, le bruit de l'eau va couvrir le son. Puis il y a du monde qui sortait de leur maison, l'autre côté de la rivière. Ils se disent, oh, ok. Que j'ai arrêté. Bon, en tout cas. Parlant de la Lune, François Payot disait que son grand-père était atteint de lycanthropie, niveau psychique, ok. Quand il était minuit à la pleine lune, il devenait très intense à différents niveaux. On est tous atteints un petit peu de ça, dans le sens que ça a une influence, qu'on le veuille ou pas. C'est lié au corps magnétique. Donc, ouais. Parce que la lycanthropie, c'est aujourd'hui, c'est un peu comme une maladie mentale. Ah, de rien, Clémentine, je ne sais pas pourquoi, là, mais c'était. Bon, en tout cas, mais il reste que. Prenez, vous regardez aux États-Unis, les tueurs en série, vous regardez les cycles auxquels ils tuent, puis tout ça correspond à la Lune, souvent. Puis ils s'en rendent même pas compte, ils sont pas nécessairement conscients de ça. Donc, les corps magnétiques, ouais, si c'est pas conscientisé, le corps magnétique, ben, il y a les forces animaliennes qui peuvent être activées par le côté psychomagnétique. Fait que oui, mais ça, bon, pas besoin d'avoir étudié tant que ça, comme les affaires de, bon. Mais il reste que oui, les soirs de pleine lune, j'ai connu des ambulanciers, des policiers, puis ils regardaient les phases de la lune avant d'aller travailler, puis ils savaient comme ça si la nuit allait être longue. Mais bon, ben, des fois, regardez juste François Legault, des fois, je me demande s'il ne se transforme pas en porc les soirs de pleine lune. Bon, je m'excuse, j'aurais pas dû dire ça. Mais au Québec, par exemple, la lycanthropie, au niveau de la culture populaire, c'était pas nécessairement des gens qui se transformaient en loup. Il y avait des histoires de gens qui se transformaient en bouc, en mouton, en bœuf. Serait le fun un jour que le monde se transforme en humain. J'ai rêvé de Saint-Michel avec son armure dorée et sa cape rouge. Il descendait les escaliers métalliques et moi, je montais. Je me suis juste tassé de côté et on s'est croisés. C'est intéressant, certains rêves comme ça. Parce que, ah, je vais l'avoir cessé bientôt, ça fait 1 heure, mais c'est intéressant ça. Mais bon, c'est des formes. Ben, vous pouvez demander intérieurement, c'est quoi ça? Pourquoi vous m'avez fait rêver à ça? Puis vous pouvez faire ça juste avant de vous endormir. Puis même le faire avec une certaine autorité. En tant qu'individu, vous avez le droit d'intégrer votre expérience puis de comprendre ce que vous vivez. Puis peut-être vous allez avoir un rêve plus clair, encore plus clair. Parce que c'est des formes. Noiro-Picard, j'ai fait un test. Mon commentaire était trop long. Ça n'a pas pu rentrer. Ah, moi, ça arrive. Mais je suis à la veille là d'arrêter. Oseriez-vous acheter s'il y a eu crash majeur? Ben oui. Ben oui. Ben oui, s'il y a un crash majeur, tout va être à petit prix de rien. Si vous connaissez les compagnies qui ne feront jamais faillite, c'est le temps d'acheter quand il y a un crash majeur. C'est ça qui arrive quand il y a des crashs. Les gros rachètent tous les petits à petit prix. Fait que là, qui veut des le temps, là, à moins que le système s'effondre totalement puis qu'il n'y en ait plus de bourse. Mais regardez ce qui s'est passé avec la bourse en Hollande. Il y a encore la bourse, je veux dire. C'est comme dans le temps, il y en avait un qui était devenu. Ça fait longtemps, la spéculation. Il y a un Japonais, il avait inventé le riz papier. Puis bon, mais spéculer sur le riz, là, c'est pas bien, bien. Dans le temps, j'avais parlé avec mon cousin, il prit alors. Mais j'ai été dans ce processus pendant 4 ans pour tomber sur BDN. Ah, ben, moi, ouais. Parler d'une phase spirituelle. Le vibratoire dont tu parles est-il le même que celui de la géobiologie ou radiesthésie? Il y a un dégradé. Il y a différents types de vibrations parce qu'à un moment donné, ça va. Bon, il y a différents types de vibrations, si vous voulez, mais tout est fréquentiel. Je parle vraiment en tout, là. Puis oui, pas le choix, ça fait partie de ça. Mais le vibratoire dont je parle va être lié à une montée en fréquence des corps subtils de l'être humain, qui fait qu'il ne perçoit plus de la même façon. La perception change. Comme pourquoi il y en a qui voient des bébites? Ben parce qu'ils sont sur la même fréquence que les bébites. C'est plate à dire, mais c'est ça. Selon toi, y aura-t-il une conscientisation massive de personnes qui sont dans un. Ça va trop vite, là. J'en perds. Bon. Qui sont dans un processus de conscientisation individuelle auquel leur apparition aurait une fonction précise. Toute une fonction. Puis, massif, je suis pas sûr. Mais il va en avoir plus, pas le choix. Plus que le monde souffre, plus qu'il y en a qui vont voir cette valeur, mais c'est de même. S'il n'y avait pas de souffrance dans notre monde, il n'y en aurait pas de conscience non plus. C'est les mêmes lois. Ouais. C'est assez. J'aimerais retourner aux études ou sur le marché du travail, mais c'est difficile d'être motivé dans ces temps de tribulation. Les structures sont pourries, le monde ne sait plus travailler. Faut-tu leur expliquer? Faut tout leur expliquer, moi. Ben, l'affaire, c'est parce qu'une job, ça se magasine, hein? Puis là, vous avez l'embarras du choix, là. Parce qu'il y a des pénuries dans tout. Mais des fois, ça peut être plus plaisant d'avoir un petit travail de prolétaire dans le bas de l'échelle que d'avoir une grosse job, là. J'ai une de mes tantes qui, elle, travaille dans une tour à bureau à Toronto. Elle n'a pas l'air de mettre sa job en tout. Puis pourtant, elle a des gros salaires. Puis, la lune, elle est. Mais il y a tout le temps de bonnes jobs. Il y a tout le temps des bonnes jobs, mais des fois, ce n'est pas des jobs payants. La bonne job, ça va être celle que vous êtes bien dedans. Puis bon, si vous allez dans un, je sais pas moi, si vous allez travailler dans un petit entrepôt ou au public, dans un petit magasin, il n'y aura pas. Je veux dire, vous n'aurez pas à aller contre vos convictions nécessairement. Tout cas, la Lune et les ondes artificielles ont un impact important sur mon taux de sucre dans le sang. Foie et pancréas comme figé, j'ai un diabète. Diatypique, oui, ben ça agit sur les glandes. Puis même sur le psychologique, là, c'est l'endocrinopsychologie, puis le magnétique agit sur le glandulaire. Donc, ben oui, regardez les gens qui ont de la difficulté avec certaines pollutions ondulatoires qu'on pourrait dire, ça va agir sur leurs glandes. Puis ça peut aller loin, mais là, je saurais pas comment. Mais là, si vous vous connaissez bien, vous pouvez jusqu'à un certain point, ben peut-être essayer de faire un environnement plus. Comme ici, là, j'ai tous les compteurs intelligents d'un côté, puis même il y a une espèce d'antenne, là, puis finalement, ce que j'ai fait, j'ai tapissé le mur avec des armoires en métal avec des portes vitrées. Puis je me suis mis une grosse armoire de métal. Puis d'après moi, ça bloque un petit peu. Là. Certaines choses, là. Je vais devoir y aller bientôt. Présentement, je ne suis plus capable du tout de parler avec mon cousin ou d'autres gens spirituels. Saturé totalement, m'élève le cœur, moi, mais ça n'a pas supposé avoir que vous avez plus d'empathie non plus, là. Il faut tout le temps continuer à socialiser, mais bon, vous n'êtes pas obligé de socialiser avec tout le monde, là. Mais bon, j'en ai des jeunes de la famille que j'ai plus affaire à eux autres, mais on dirait que ça s'est fait tout seul. Mais moi, hein, ben, le spirituel n'est pas nécessairement mauvais. J'ai une certaine sympathie, pareil, pour les gens spirituels, surtout au niveau là, de certaines valeurs, là. C'est pour ça que, bon, il y en a des fois qui me demandaient mon opinion sur l'islam, puis j'hésite à la donner parce que je pourrais avoir des problèmes. Mais au niveau de certaines valeurs, je n'ai rien à dire, là. Mais au niveau d'autres, puis surtout, bon, en tout cas, je vais essayer de pas me. Au début du corona, ouais, on a fermé la bourse à deux courtes reprises, prétendant qu'il voulait que le marché se ressaisisse. C'était un mauvais présage. Ouais, puis pourtant, oui, il y a eu un petit mini crash à un moment donné. Mais bon, c'est le temps d'investir dans le pantalon à une jambe. C'est une vieille blague juive, ça. Ouais. Ouais, peut-être. Mais oui, c'est pas des pantalons pour mettre, hein, c'est des pantalons pour acheter et vendre, acheter et vendre. Mais oui, pourquoi pas? Ben, ça dépend, là. Il y en a que leur éthique va les en empêcher. Il y a une personne que je connaissais qui avait travaillé avec Michael Sabia, de la caisse dans le temps, là. Bon. Puis. J'ai dit, va peut-être falloir intégrer du luciférien sans le polariser pour manipuler ce qui nous manipule, parce qu'on n'aura pas le choix au niveau technique, puis de toute façon, c'est pas nous qui avons créé le jeu. Puis, mais va falloir avoir le courage de survivre pareil. Puis, il était pas sûr. Puis, c'était drôle, hein, de la part de quelqu'un qui était dans ces affaires-là, par-dessus la tête. Même lui, il était critique au niveau éthique, puis il disait, je le sais pas. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que bon, on investit dans ce qu'on veut, dans le fond. Mais là, c'est la suite, là. On n'a pas. Les cathos vont penser que je suis habité par le mal. Ouais. Ben oui, mais ça. C'est pas grave, mais dans le fond, ils ne voient pas qu'il y a une projection, là. Puis une catégorisation subjective, ça fait partie de la polarisation dans le mental, au niveau spirituel, la mémoire de l'âme, ces choses-là. Puis de penser que ton prochain est habité par le mal, au lieu de te rendre compte que des fois, c'est juste la subjectivité, ou c'est juste, ben, ça vient tout le temps d'un manque d'amour. Mais pas l'amour planétaire polarisé, l'amour, le vrai amour. Dans le sens, la capacité de voir l'autre. Donc, au fond, la personne qui ne peut plus voir l'autre parce qu'elle pense que c'est le mal, ben, c'est ça, là, la poutre dans l'œil, entre autres. Puis bon, c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez, que c'est leur expérience. Il faut les respecter là-dedans. Moi, j'investirais dans les corbillards. Ben, je suis pas sûr. Si ça continue, ils s'en serviront plus, des corbillards. Si ça continue, ça va être des. Comme dans, vous savez, là, dans Soleil Vert, à un moment donné. En tout cas. Ah, je viens d'accueillir, les Espagnols vont cueillir les pommes golden du Limousin. D'habitude, c'est les Polonais. Le top, c'est les Portugais. Ah oui. Ici au Québec, c'est des Mexicains qui viennent. J'ai beaucoup de respect pour ce genre de travailleurs-là. Vous savez, ceux qui vont en Floride leur ramasser les oranges, habituellement, ils meurent d'un cancer. C'est certain avec les. Bon. Une personne qui ne s'est jamais posé de questions existentielles et qui ne s'intéresse pas à l'occulte et qui accumule de la souffrance durant la vie pourrait vivre une fusion comme BDM, je pense pas. Mais on ne sait pas. Je veux dire peut-être. Mais quelqu'un qui n'a pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Puis s'il y a une souffrance, il y a nécessairement des questions. Nécessairement, il va questionner sa condition, donc je ne sais pas, là. Peut-être pas trop catégoriser que c'est est-ce que ça existe vraiment, quelqu'un comme ça. Parce que c'est difficile de savoir la personne qui vit intérieurement, elle va pas nécessairement faire part, donc je pourrais pas dire. J'ai toujours eu le souci du travail bien fait et je continue de le faire malgré que la plupart se pognent le beigne, mais oui, je travaille en finance et de la maison. Ben, il reste que c'est le fun. Moi, je trouve ça le fun, la finance. C'est bon, on apprend à gérer de l'énergie, on peut tester notre intuition. On se fait tester, en tout cas, dans ça. Puis, moi, je trouve ça le fun. De toute façon, je pourrais pas partir là, puis toute la journée, puis faire autre chose, parce que bon, avec quelqu'un qui a besoin de moi, là, qui serait dans un centre d'accueil. Fait que, puis je veux pas. Je veux pas que ça arrive. Donc, c'est une job comme un autre, mais là, de toute façon, aujourd'hui, c'est fermé, là. C'est le Shabbat. Ceux qui, jusqu'à un certain point, qui ont inventé la spéculation. Bon. Mais ça a été pas pire, la semaine. En tout cas, ce que j'ai dans le gaz, là, je vais le garder. Ça, je m'amuserai pas avec ça. Mais que c'est. Il y a les minières, là, c'est décevant, ces temps-ci. Le centre d'énergie que BDM a créé est en train de mourir et un autre se crée. C'est ce qu'on m'a dit. Moi. Mais ça dépend, là, ce qu'on veut dire par là. Les tribulations futures vont-elles favoriser la télépathie, la bascule de la conscience? Oui, chez des individus. Mais pas chez le collectif, là, d'après moi. Je suis choyé d'avoir le meilleur boss que j'ai eu à vie, mais faut aimer ce qu'on fait, ou du moins pas détester, quitte à avoir un salaire un peu moins élevé. Oui, c'est ce que je pense aussi. Parce que de toute façon, l'argent, c'est juste un support pour l'énergie. Donc, si on perd de l'énergie pour gagner du support, il y a de quoi qui marche pas. Non, il est plus juste. Trop mou et endoctriné pour le moment, ça reste qu'il n'a pas la capacité de s'engager. Juste moi qui l'appelle, alors je le laisse aller parler votre cousin. Michel Ribs, connexion, reconnexion à son esprit. Ah, faudrait que je regarde ça. Je vais devoir y aller bientôt, là, puis cette valeur, je voudrais répondre à. Voyons, je suis rendu où? Oh. OK. Changement de sujet. Je vais visiter l'île d'Orléans pour la première fois aujourd'hui. Toujours très excité de reconnaître une nouvelle zone du Québec, moi. Bon, c'est les meilleures fraises, en tout cas dans ce qu'il y a sur le marché, là, que je trouve. Mais je ne sais pas, là, c'est fini, hein, je pense. Ben, je ne sais pas. Mais moi, j'aimerais ça voir ça à un moment donné, mais ça me dit que. Bertel porte autre chose que des chemises. Moi, j'ai des pantalons aussi. Ben, ça dépend. Ça dépend la période dans l'année. Je trouve vraiment intéressant, là. Que faire si vibratoirement la personne en face de nous est très contrôlante, brainwashée, la conversation est unidirectionnelle, on l'écoute sans réflexion et démantèle la discussion coûte que coûte, ben ça donne pas grand-chose, mais ça peut permettre d'observer la mécanique de la subjectivité des gens. Puis il faut tout le temps rester respectueux de la personne, pareil, dans son expérience, à moins que ça soit terrible, là. Mais je vois pas d'autres choses là. Nice, l'île d'Orléans, je suis allé quand j'étais ticket. Ah oui. Moi, bon, nice, ok. Je pensais Nice, la ville, je le voyons, c'est bizarre. J'avais vu l'île d'Orléans, un jeu d'échecs en chocolat, et je le voulais. Ah oui. Je sais pas, hein. Faut pas le laisser au soleil, un jeu comme ça. C'est ma place de rêve, l'île d'Orléans, surtout en automne. Ah oui. Je suis jamais allé dans ce coin-là. J'ai visité l'île du Prince-Édouard. C'est une autre vibration totale. Ben oui, ça m'intéresse. Ta garde-robe, moi. Bon, c'est pas. Non, ben, je porte des chemises par simplicité. Avant, je portais juste des couleurs neutres, du brun, du beige, du blanc, du noir, du gris, pour pas avoir à matcher les couleurs, puis pas avoir à réfléchir ni à penser à ça. Tellement c'est pas vraiment important pour moi. Mais finalement, là, tranquillement, là, j'ai recommencé à mettre de la couleur. Bonjour à vous tous. Bonjour Mathieu, je suis sur le bord de quitter. Des fois, j'ai vu de l'acouphène dans mon oreille droite, très intense, et des fois des chaleur qui pop pendant 5 secondes, mon système nerveux capote. Moi, ça peut être des phénomènes. Mon chandail orange. Ben, en fait, c'est beige. C'est peut-être l'éclairage. Ah, j'en ai un qui est jaune. Moi. Mais non, c'est l'affaire des acouphènes. Ben, moi, la première fois que j'ai eu une vibration, là, c'est en lisant La Genèse du réel. Puis je cherchais partout dans la maison qu'est-ce qui vibrait comme ça. Puis c'était dans ma tête. J'aime bien ton chant. Ok, j'aimerais te poser des questions concrètes au quotidien dans une émission. Pourrais-tu l'envisager? Je pourrais regarder ça. Ou rose, bon, je suis color blond. Moi. Non, pas lui. Bon, ok. Le jour où Bertold aura un t-shirt de Metallica, inquiétez-vous. Oui, en effet. mais si tu m'avais connu ado, là, moi, je te maintenais plus avec les métalleux, puis c'était bien pire que ça. C'était bien pire que ça. Blind Day. Bon, merci beaucoup. Je retourne aux transcriptions. Donc, il n'y aura pas vraiment de coupure. Bon, mais c'est correct. Bon. Puis, bon, ben, moi, je vais vous quitter. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Donc, bon, ben, au revoir. Ah. Attendez, là, je vais rester un petit peu là. Hors sujet primeur chez moi, j'entends l'aspirateur et je suis seul avec mes enfants. Bonne journée. Ah bon, ben, bonne journée. Bonne journée. Est-ce que les forces évolutives et les involutives se font parfois la guerre? Ben oui. Oui. Bon, ben, bonne journée, Clémentine. Au revoir.